Total Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, c'était At the Movies, ce projet qui avait vu le jour pendant le confinement, qui voyait des musiciens de Soulwork, de Pretty Meds ou alors de Hammerfall s'unir pour interpréter des morceaux de bande-son de films des années 80-90. Et c'était la partie 90 ici avec ce morceau Just Died in Your Arms Tonight, extrait du film Never Been Kissed. Voilà, on va continuer et commencer Overdrive avec de la bonne musique ce soir. Pour débuter, ce sera le dernier album de Lynyrd Skynyrd en concert. Toujours bien entendu les classiques du groupe de rock sudiste américain avec le morceau Working for MCA qu'on utilise pour débuter Overdrive. From the Florida border. Looking for MCA par le groupe Lynyrd Skynyrd, extrait de son dernier album live. Un groupe qui n'a décidément absolument jamais déçu sur scène. On continue tout de suite, toujours avec de l'excellente musique, toujours parue sur le label Frontiers Records. Il sera temps de passer au groupe Inglorious qui nous a sorti son dernier album 5 au début du mois de juin. On fait un petit retour dessus avec le morceau qui s'appelle Devils Inside, toujours sur Overdrive. Yes, Inglorious avec Devil Inside pour ce morceau, super bien ficelé. Voilà pour ce groupe, vraiment de bon vieux hard rock qui nous a sorti encore une fois un très bon album avec Five, sorti sur Frontiers Records. On passe maintenant à des Frenchies avec Manigance qui nous reviennent avec son album de réenregistrement, des premiers albums, des morceaux issus de la première période de la carrière. Donc depuis maintenant quelques années, on a maintenant une chanteuse dans Manigance, ce qui change un petit peu, on va dire, la dynamique du groupe et révèle ici une nouvelle atmosphère, une nouvelle facette du groupe. Donc c'est assez intéressant de pouvoir comparer un petit peu, on va dire, ces anciens morceaux parus il y a maintenant plus de 20 ans avec ces nouvelles versions. Extrait de cet album Love de fond, paru sur V-Records, ce sera le morceau Héritier par le groupe du sud-ouest de la France, Manigance. Thank you. Vous venez d'entendre le groupe Battle the Beast tout de suite avec ce morceau Steel Bound paru sur le label Nuclear Blast. Vous êtes toujours à l'écoute d'Overdrive et il est maintenant quasiment à 22h, toujours sur le 895 de Duo. On continue avec ce groupe Tramp Rants sur le label Nuclear Napalm Records et il s'agira ce morceau Temperance d'Aruma tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Aruma, the darkness, empire of magic. Temperance, maintenant pour encore une fois du power metal dans Overdrive. On va terminer maintenant cette partie de l'émission et passer à une chose toujours aussi mélodique, mais peut-être un poil plus extrême, pour rendre hommage à un superbe album qui vient de fêter et de souffler sur ses 25 petites bougies. J'ai bien sûr nommé le Clayman de In Flames, paru en 2000, lorsqu'on avait la Dream Team pour moi du line-up de In Flames, Anders Frieden au chant, Björn Gellott, Peter Ivers, Jesper Strömbald bien entendu, et Daniel Svensson. Donc notez que tout ce petit monde, donc, c'est-à-dire qu'on a Peter Ivers, Jesper Strömbald et Daniel Stevenson qui sont dans le projet de Halo Effect qu'on passera juste après et qui nous a sorti un excellent deuxième album, March of the Unheard. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez envie d'écouter sur ce Clayman, mais pourquoi ne pas s'envoyer le premier morceau qui ouvre l'album, Bullet Ride, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Yes, ça reste toujours aussi bon que ce Bullet Ride par In Flames, extrait de son album Clayman, qui vient de fêter ses 25 ans. Halo Effect maintenant, le groupe des anciens de In Flames avec Michael Stanne de Dark Tranquillity, qui était également dans In Flames au tout début, époque Lunar Strain. Nous revient avec son deuxième album, ça s'appelle March of the Unearned, et on va envoyer le morceau qui s'appelle How the Gods Kill tout de suite sur Overdrive. Thank you. Voilà pour le groupe The Hollow Effect avec sa reprise de Danzig, How the Gods Kill sur Danzig 3, How the Gods Kill. Tout de suite, on va passer à un groupe français d'influence death metal mélodique de Göteborg. Donc certainement qu'ils ont adoré Soulwork, Dark Tranquility et autres In Flames et qu'il s'agit d'influence importante pour eux. On en verra ça tout de suite avec ce groupe qui s'appelle Starlit Pyre et qui nous a sorti cet album et ce morceau Solar Rays tout de suite sur du bon vieux death metal mélodie qui nous viennent de Bordeaux et vous cessera bien entendu sur Overdrive Radio Duo. Yeah. Et après, maintenant, le power metal, après le death metal mélodique, il s'agira des choses un peu plus doomy avec Witch Hazel, sorti sur le label Metal Blade, tout de suite avec Five Lamentation, Witch Hazel, ce sera Healing Power qu'on va écouter maintenant dans Overdrive, tout de suite sur, bien entendu, Radio Duo. We'll be right back. Voilà, vous venez d'entendre ce groupe Lair avec ce morceau Double Ganger pour un post-metal progressif. Ici, tout en ambiance, il est 10 heures passées de plus de 30 minutes, quasiment 35 minutes. Et il est temps de passer à quelque chose de plus vénère, tout simplement, avec le dernier album de Bleed From Within. Et ce sera le morceau titre vénère tout de suite pour du metalcore plutôt vénère. Bleed From Within. Voilà pour Bleed From Within avec ce morceau titre extrait de son dernier album Zenith. Tout de suite, on continue avec Chepeng et ce il n'y a pas, c'est absolument pas prononcé correctement, il faut bien l'avouer, Chepeng avec Il n'y a pas et Gati Chad tout de suite sur Overdrive Radio Duo, encore une fois. Et maintenant, après ce grindcore de Chepeng, ce sera au tour du black metal, en tendance mélodique tout de même, de Darkenhold, qui nous a sorti son dernier album sur les acteurs de l'ombre. C'était le fléau du rocher, et on diffusera tout de suite le morceau L'Ascension du Mage Noir pour cet excellent album qui ravira les fans du style le plus noir. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Dark and Hold tout de suite sur le 895 de Radio Duo. Il est quasiment l'heure de terminer Overdrive. Il nous reste 10 petites minutes maintenant pour retrouver de l'excellente musique qui pulse. Et on va se ressortir un album que j'avais tout particulièrement apprécié la semaine dernière. Et j'aimerais me refaire une petite séance de rab avec le dernier album de Sodom qui s'appelle The Hansonist, qui nous voit le père, bien entendu, Tom Angel Reaper, revenir au fourneau avec ce Witch Hunter, bien entendu. Witch Hunter, c'était le nom de leur premier batteur, maintenant décédé il y a ça quelques années, à mon avis, au moins 20 ans, il me semble, je peux me tromper là-dessus, ne me prenez pas pour un mot. Néanmoins, il s'agit vraiment d'un hommage à leur premier batteur disparu. Il avait tendance à être un peu trop porté sur la bouteille et ça lui a connu quelques problèmes. Witch Hunter par Sodom, extrait de leur dernier album The Arsonist, tout de suite. Se quitter au son de Astérophane, extrait de ce groupe Soulo, pour une musique ethnique d'influence de la musique traditionnelle du nord de l'Europe. On rappelle le www.radiodio.org, on rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-dio, Overdrive Radio Dio sur Instagram, les podcasts hébergés sur Mixcloud. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye.